Ah, mes amis, vous le savez, samedi, c'est l'élection de Miss France 2005. Et tout allait mieux dans le meilleur des mondes, toutes les Miss attendaient l'événement, et puis hier soir, patatras mes couilles, elles sont plus là. Hein? Comme on dit au Vatican. Mmh? Oui, c'est une expression de là-bas. Gunther était avec moi en visite au comité Miss Paris, et j'ai commis l'erreur de ne pas surveiller mon Gunther 5 secondes, et PAN! Il a bouffé Miss Paris. Évidemment, le comité a fait des caisses, vous les connaissez, Christophe. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? L'élection, c'est dans 5 jours, c'est la catastrophe, et patati, et patata. C'est là que je me suis dit, Helmut, vas-y, prends les choses en main, ces burnes de zèbre, ils vont pas s'en sortir. J'ai donc été avec Gunther, été chercher une remplaçante à la Miss Paris 2005, qui venait de se faire bouffer. J'ai donc contacté les 3 candidates battues en leur disant qu'il y avait une séance de rattrapage. Pour être dans de bonnes dispositions, j'ai demandé qu'on me réserve une suite dans l'hôtel le plus proche, et Gunther et moi, on s'est installés. Ah, comme c'est une élection pas comme les autres, je me devais de les mettre en confiance et à l'aise, les candidates. J'ai donc créé une ambiance adéquate. Candidate numéro 1. Bonjour, mademoiselle. Bisous. Non, pas bisous, Gunther. D'après votre fiche, vous dites que c'est hors de question que vous vous mettiez en maillot de bain, que c'est une tradition machiste obsolète, et que pour représenter fièrement sa région, c'est sûrement plus important aujourd'hui de privilégier l'esprit au corps. Eh ben c'est parfait, ma foi. Je n'aurais qu'une chose à dire. Gunther va faire bisous. Non mais des fois, c'est quoi ces conneries? Quelle dinde! Candidate numéro 2. Bonjour, bonjour. Alors, que me dit votre fiche? Ah, ben elle va sûrement me dire plus que vous, hein. Vous êtes muette, c'est ça? Hein? Ah ben oui, je suis bête, vous êtes muette. Vous pouvez pas me répondre. Bon, je vais vous dire un truc, mademoiselle. Si ça tenait qu'à moi, je vous déclarerai Miss Paris 2005 tout de suite. Absolument. Pour moi, la femme idéale, c'est la femme muette. Malheureusement, quand on est Miss, on doit parler en public. Et même si ce serait mieux qu'elle se taise toutes. Qu'elle se taise toutes. Et les règles, c'est les règles. Désolé. Allez, casse-toi. Dernière candidate. Bonjour. Oh, oui. Là, je crois qu'on tient quelque chose. Câlin tout nu. Non, mon Gunther, pas de câlin tout nu avec la dame. Non, calme-toi. Couché, pas bouger. Non, Gunther! Stop! Stop, Gunther! Non! Stop, trop tard. Christophe. Oui, c'est pas digeste, l'écharpe, là. Mes amis, le Gunther a craqué, vous l'avez entendu. Il a arraché sa chaîne et il a mutilé la dernière candidate. Enfin, mutilé pour entièrement, hein. Il a bouffé la jambe gauche. Mais c'était dur de la représenter, enfin bref. Du coup, on a présenté une candidate de secours pour faire Miss Paris 2005 et pour passer le concours Miss France de samedi. Oh, fallait voir la gueule du comité quand elle s'est présentée, la Miss qu'on a trouvée. Salut, moi c'est Zouzou, je suis très contente, moi, pas Miss Paris 2005. C'est pas gagné. Ah. Allez, au revoir, Zen.